Education on the beat. Parle pas de nous, et fuck le tout. Mieux crever debout que vivre à genoux, comme disait le tout, non? Parle pas de nous, hein? Parle pas de nous. Marcher arrière cassé, mais faut faire de l'avant. Arrachement de sol au volant de la langue. Soit à jamais ton thème à l'avance. Aucun arrangement non t'es grave à la main. Une vie qu'une âme, aucune gueule n'est à vendre. Bah les couilles qui se la mettent, tous à la main. Les rappeurs font les gros, mais tous également. On peut tous se faire filmer, chicha à la main. Cours si t'entends, achaya la moto. Pour trop jalouse, il faut à la moto. Regarde si mieux auto, mais que pour la photo. Par ici, il en faut des grosses à la toto. Nous c'est maintenant, toi c'est la préhistoire. Tu veux qu'on dise quoi? Tu sais rien de l'histoire. Personne ne veut perdre entouré de mon discours. La pièce est de nous, les costumes de discours. Pas ton temps, notre temps, et JSX. Matrix et Elix et on va clirixer. On a Mertalias très très bien luxé. Tu serais nos life à quoi bon mixer. Sais-tu vraiment ce que t'as beau charisme? Offre ta le parrain, tu portais disparu. Par ici la carrure ne fait pas le charisme. Laisse les toutes parler, on les baise une par une. On t'aime non plus et tu vas le ressentir. Si on la sort, tu devras avaler. Elle va retentir et tu vas te repentir. Si on la sort, tu devras t'avaler. Si on la sort. Si on la sort, si on la sort, tu devras cabaler. Parle pas de nous, on a des équipes sans. Parle pas de nous, parle pas de nous, on t'assumera jamais. Parle pas de nous, Wahrané, parle pas de nous, Wahrané. Fais pas le fou, why, why, why, fais pas le fou. Parle pas de nous, on a des équipes sans. Parle pas de nous, parle pas de nous, on t'assumera jamais. Parle pas de nous, Wahrané, parle pas de nous, Wahrané. Fais pas le fou, ouais, fais pas le fou. Ok, j'ai la frappe et les caramelos. Connais-tu la danse du parabellum? T'hésites pas, t'écoutes que toi. Le soir, tu charques en Varadero. Ouf, je crois que tu t'es trompé, personne. Je vais t'allumer comme un joint de perpète. J'ai l'alcool dans le sang, j'ai enfilé les gants, la cagoule et je vais me le faire seul. Ok, manie, on est culotté. Voiture de sport, on s'est piloté. Arme de l'est, on s'est manié. On t'a braqué, t'as fait dans ta culotte. Je passais à la une dans les pays d'hiver. J'suis toujours à jamais, même après d'hiver. Le son, il est sombre comme une nuit d'hiver. Poto fait tourner au co-cellulaire. J'suis calé, calé, on va pas s'étaler. On compte tous les canis. Pour nous, cette année, au local, local. On n'a pas le time, j'écrivais des textes en rafale, fale. Folle, folle, file, file. Après la baisse, pas de coup de fil. J'suis dans le hall, rentre dans la file. On a fait les montées, on fait plus les files. Parle pas de nous, on a des équipes sans. Parle pas de nous, parle pas de nous, on t'assumera jamais. Parle pas de nous, Wahrané, parle pas de nous, Wahrané. Fais pas le fou, why, why, why, fais pas le fou. Parle pas de nous, on a des équipes sans. Parle pas de nous, parle pas de nous, on t'assumera jamais. Parle pas de nous, Wahrané, parle pas de nous, Wahrané. Fais pas le fou, why, why, why, fais pas le fou. Mais pas trop de chips, ça me rend parano. Dans la chasse, on voit pas de panneau. Je vais faire ressortir par le crâne, je récupère le calibre tous les 4 anneaux. Parle pas de nous, gage de plaquettes sans katana. Cette année, j'ai fait des platanes, j'ai quoi rincer toutes les satanas. Vends-leur la cana, en face c'est cané, règle des panas. Le prix c'est pas là, brûler le saloon, gros j'y pensais déjà. Je suis la première souris qui fait danser les chats. Aux parisiens, on va fumer des grains, comme à la barre.